ça y est, les pilotes, man. Ça y est, c'est la fin du match, payons les musiciens. Je fais mon tour d'honneur, allumer les fumigènes. J'ai mouillé mon maillot tout au long du combat. À la Mohamed Kaba, au tripé Maconda. Alors je les jette à mes frères, mes premiers supporters. Car je sais, si c'est la merde, je peux compter sur Jean-Pierre. Je parle avec le cœur, pas besoin de métaphore. Et tant que j'ai le soutien de mes proches, négro, j'ai la force. Oh, je compte bien rapper des steaks tant que mes instruments étaient séquelles. Si j'avais un tatouage, je serais seulement la tour Eiffel. C'est la guerre, ouvrez les portails, n'y rêverai jamais sans mes frères, car c'est mes potes d'armes. Pour tous mes gars sûrs, qui quand y'a de rien, sont mes blessures, qui même dans le front encaisse mes factures. C'est pour mes disparus, les anges partis au ciel. Demba, Guillaume, Mikaël. Si tu me cherches, réécoute l'intro. Ro, tu veux de la fraîche, viens devant le McDo. Ligne 9, tu connais l'adresse. L'album est sale, écoute-le avant qu'on t'agresse. Binamo staff sont dans les tribunes. Addictive musique, j'entends le stade qui hurle. J'ai les conseils de Pinac, direct de Baltimore. C'est connect au Manel, ça vient de Paris Nord. Pour Eduardo, gros merci pour ton épaule. Gwenzel, ma et sa mère, hello. Souvent en retard, normal, je tige la veille. Mon flou une patate de sopar dans un nid d'abeilles. Ou un middle de lance-fille. Je rentre dans la cabine et ça transpire. Et je sais que j'ai des lacunes. Marc Saada, binôme à la plume. C'est la fin, sortez pas les mouchoirs. Le FP reviendra, mais un peu plus tard. Ouais, un peu plus tard. Comme ma tristesse sortira du mitard. Mes nuits sont blanches, mes feuilles sont noires, ne crois pas que c'est magique. Avec le temps, je suis devenu accro, et oui, c'est ça la zic. Trop fidèle au mien, comme Larry à son contexte. Oui, je sais, ça devient rare comme une fille sans complexe. Car dès le début, tu sais, mon cœur s'abîme et souffle. J'ai vite compris que je fais confiance juste à Marcus, Nappy, les mousses. 2007, on rappe par tous les temps, mais souvent par temps de pluie. Premier album, succès d'estime, tant pis. Je vais tout lâcher, oui je me lasse de ce don. On attend notre heure et on se contente d'une place de seconde. J'ai cette impression de tourner en rond depuis Mathusalem. Même quand j'entends Gwen tes sons, ça tue sa mère. Je rencontre une femme qui sort mon talent de la boule. Inspire, revient l'envie aussi, oui un ouragan dans la bouche. Elle me redonne l'envie de tout et de la vie de couple. De nager quand ma vie coule avec elle, ouais tout devient cool. Deuxième album, Econex nous prend sous son aile. Merci à lui, on serait jamais là, non jamais sans son aide. Alors j'enchaîne les morceaux machinalement. L'album touche à sa fin, j'ai les crocs, Masical mort. 2008, ma femme tombe enceinte d'une denrée rare. Je vais devenir père, je n'ai plus rien à faire dans le rap. J'en ai ouvert des portes en y pensant, j'ai passé tant de barrières. Elle brûle et cendra un peu comme ma fin de carrière. Seul pour ma femme et ma fille, bah je pourrais tout céder. Désolé si je raconte ma vie sur tout le CD. D'ailleurs ce dernier, je sais que tu l'aimes quand tu l'écoutes. Et je me dis que ma vie dans le rap fut quand même belle et courte. Thank you.